If She Loves You, The Top Boost dans l'assemblage requis. Ouais, pis. Ouais, pis. Si elle t'aime, c'est sûr que ça change, ça. Ben, aime-la en retour. Je sais pas. Oui, compose une petite liste de choses que tu aimes à son sujet. Oh hein, boy. Dans son foutu palmarès. Non. La chronique dans laquelle on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Et cette fois-ci, comme on est au début du mois, c'est la liste des fêtes à célébrer pendant le mois de janvier. Mm-hmm. Oui, donc on a 16 fêtes bizarres à célébrer au mois de janvier. Si vous êtes triste que les fêtes soient terminées, ben Colin, c'est le fun parce qu'il y en a plein en janvier. Hein? Donc on va commencer ça facile avec le 2 janvier dernier qui était la journée Happy New Year. C'est le nouvel an des chats. Oh mon Dieu! C'est aussi juste un jeu de mots. Oui, en effet. Le 4 janvier, c'est le Dimpled Chad Day. Tu te rappelles peut-être dans le temps, dans le temps, on le fait encore aujourd'hui, mais de moins en moins, c'est de faire des trous dans une feuille de papier, mm-hmm. mais que les papiers restent attachés et ça fait juste laisser une bosse de trous, genre. Oui, oui, oui. C'est comme ça un petit peu, là. Hein? Donc c'est quand tu essaies de faire des trous dans du papier, mais ça fait juste la petite bosse. Un peu comme aux élections de l'an 2000, on appelait ça le Hanging Chad, quand les gens votaient, mais ça a seulement fait une bosse et non pas un trou à l'endroit où ils voulaient voter. Bref, ça a fait toute une grosse gros chieur. Donc voilà, c'est ce qu'on célèbre le 4 janvier. 9 janvier, aujourd'hui, c'est la journée nationale de nettoyer votre bureau. C'est fait, c'est fait. Oui. Je vous le dis, il y a quelqu'un qui a passé durant le temps des fêtes, c'est sûr. Ça fait du bien. Mais faites ça à la fin de décembre, pas au mois de janvier, s'il vous plaît. Non, c'est vrai. Voilà, donc c'est le moment de s'organiser et de préparer son bureau pour une nouvelle année. Toujours aujourd'hui, le 9 janvier, c'est la journée nationale de Dieu merci, c'est lundi. Mm-hmm. Ouais. Apparemment, il y a des gens qui aiment le lundi. Donc c'est les nouveaux départs, voilà. Ensuite, le 10 janvier, c'est la poésie au travail de journée. Hein? Donc c'est ça, c'est d'encourager... de s'encourager à voir la poésie dans les tâches de tous les jours. De composer des poèmes, voilà. Ah, oh, c'est cute. Le 11 janvier, c'est la journée d'apprenez votre nom en code morse. Ah! C'est point, trésignon, point. Ouais. Bon. Y a évidemment des traducteurs de code morse c'est sur sûr. Internet. Ne vous en faites pas avec ça. Le 12 janvier, c'est la journée nationale du thé chaud. Ouh! Ouais, il fait très froid aujourd'hui. Très froid. 18 degrés Celsius dans le studio. Mm-hmm. Quelqu'un n'a pas eu le signal de repartir le chauffage. Bien clairement. Fait. Donc, on va se réchauffer avec une bonne tasse de thé chaud. Ensuite, le 13 janvier, c'est la journée blâmer quelqu'un d'autre. Okay. Si vous avez fait des erreurs et que vous voulez mettre le blâme sur quelqu'un d'autre, c'est la journée pour le faire. Le 16 janvier, c'est la journée nationale de rien pantoute. C'est un non-événement, comme on appelle, donc un calendrier vide avec rien dessus. Bah, pas pire. Le 17 janvier, c'est le jour du jugement. Ah oui? Oui, c'est drôle que c'est quelques jours après la journée où on blâme quelqu'un d'autre. Vraiment? La journée du jugement. Toujours la liste des fêtes à célébrer au mois de janvier. Le 17 janvier, c'est la journée des inventeurs enfants ou des enfants inventeurs. Où on encourage les enfants à fabriquer quelque chose. Le 23 janvier, c'est la journée nationale des tartes. Hein? On va en manger. Pas, pas les filles qui sont tartes. Non. Les tartes. 25 janvier, c'est la journée où on a sa... C'est l'anniversaire, en fait, de l'auteur Virginia Woolf. Et c'est la journée où on trouve une pièce, une chambre, juste pour soi, pour relaxer. A room of one's own day. Ça, c'est le fun. Le 28 janvier, c'est la journée... des magasins de couvertes Local Quilt Shop Day. OK. Donc, on va avoir comme résolution d'aller visiter un endroit où on peut s'acheter du tissu, peut-être, et se faire un quilt. Ah. Les genres de grosses douillettes, là. Oui. Les dessins dessus. Hein? Mm-hmm. Voilà. Ensuite, le 29 janvier, c'est la journée des grognons. Curmudgeon's Day. Même ceux qui n'aiment pas les fêtes ne peuvent pas s'échapper d'avoir leur propre fête. Et le 30 janvier, c'est la journée de répondre à des messages qui sont tu sais, que tu remettais à plus tard. Oui. Si on veut, donc il y a des messages sur votre boîte vocale, peu importe. Donc vous prenez la journée, ça s'appelle Inane Answering Message Day. C'est ça, ouais, genre ça. C'est semi ça. Mais c'est ouais. Pas tout à fait, mais quand même. Ensuite, on continue avec la liste des 10 anniversaires de personnes célèbres en janvier. Certaines des figures historiques les plus célèbres, en fait, sont nées pendant le mois de janvier. Oh, j'ai oublié avant de passer à ça que le 4 janvier, si je me rappelle bien, c'est la journée nationale du fait divers, du trivia. Okay. Donc, c'est un fait, serait célébré le 4 janvier. Mais c'est déjà passé. C'est déjà passé. Donc, on y va avec Jeanne d'Arc, qui est née le 6 janvier, environ en 1412. Elle a vécu seulement 19 ans, mais elle a fait beaucoup de choses dans sa courte vie. À l'âge de 13 ans, Jeanne d'Arc a commencé à avoir des visions d'elle-même en train de mener la France à la victoire sur l'Angleterre. Elle n'était qu'une paysanne qui ne savait pas lire et écrire, mais elle avait confiance en ses visions. À l'âge de 16 ans, Jeanne a rejeté un mariage arrangé pour pouvoir, à la place... se battre contre le roi, c'est ça? Elle s'est battue contre le roi Henri VI et mettre le prince français Charles comme roi. Bref, l'histoire est longue et compliquée. Elle a rassemblé les gens autour d'elle, elle a coupé ses cheveux, elle a mis son armure de guerrière et elle a mené un assaut contre les Anglais en 1429. Ensuite, la naissance de Zora Neale Hurston, le 7 janvier 1891. On dit qu'elle est née en 1891, mais elle a menti au sujet de son âge pour pouvoir se faire éduquer après être allée travailler pendant plusieurs années. Elle a gardé son histoire disant qu'elle avait 10 ans de moins que son vrai âge. Hurston est devenue une vedette littéraire de la Renaissance à Harlem. Elle a produit des romans, des pièces de théâtre... Et etc. Elle est morte, pardon, sans argent en 1960. Ah, c'est triste. Bien triste. Ça dit, en 1973, Alice Walker, l'auteur de The Color Purple, la couleur pourpre, a mis une marque sur la pierre tombale de Hurston, disant Zora Neale Hurston, génie du Sud, romancière, folkloriste et anthropologiste. Anthropologue. Peu importe. Anthropologue. La naissance de David Bowie, le 8 janvier 1947. Ben oui. Né sous le nom de David Robert Jones, aussi connu sous le nom de David Bowie, a joué du saxophone à l'âge de 13 ans pour la première fois. Il a pris son nom de scène en 1966. Il a sorti son premier album l'année suivante. Il a continué donc d'être une présence qui a créé des modes dans la musique et dans le domaine de la mode, des vêtements, jusqu'à ce qu'il meure l'an dernier à l'âge de 69 ans, deux jours après la sortie de son dernier album, Black Star. C'était hier. Hier, tout à fait. Toujours dans le domaine de la musique, Elvis Presley est né le 8 janvier 1935 avant de devenir une superstar des années 50. Il est né en 1935 à Tupelo dans le Mississippi. Il était un adolescent très gêné qui essaie de trouver sa place. À son bal à Memphis, il a dit à son rendez-vous galant qu'il ne savait pas danser. Imaginez. Il est passé par-dessus et à un moment donné, il a commencé à danser dans deux épisodes du Milton Berle Show en 1956 et ça a scandalisé certains téléspectateurs par ses mouvements de hanche. T'imagines quand tu dis ça à ta date, puis une couple d'années après, tu danses genre comme ça, à 12 ans, c'est sûr qu'il m'a niaisé. Comme un dieu. Ensuite, Simone de Beauvoir est née le 9 janvier 1908. T'aimes pas Simone de Beauvoir? J'aime pas ta série. Écrivaine, philosophe, existentielle. Simone de Beauvoir, qui est allée à l'école dans un couvent et voulait devenir une sœur, mais à l'âge de 14 ans, elle a renoncé à la religion et est devenue athée. En 1926, elle est partie à Sorbonne pour étudier la philosophie. En 1929, elle est devenue la 9e femme à prendre l'agrégation de la philosophie, un examen compétitif pour essayer de devenir enseignante. Elle est arrivée en deuxième place et la première place était son futur partenaire, Jean-Paul Sartre. Qui prenait le test pour une deuxième fois après avoir échoué le premier coup. Et à l'âge de 21 ans, c'était la personne la plus jeune à avoir passé cet examen. Alexander Hamilton est né le 11 janvier 1755, garde de la Révolution, qui a écrit plusieurs papiers très importants, qui a fondé la Banque de New York, qui a créé le système de banque fédérale américaine, qui est devenu le premier secrétaire trésorier des États-Unis, qui a fondé la US Mint, ceux qui font imprimer l'argent. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Qui a été tiré, donc, M. Hamilton, et donc tué par le vice-président Aaron Burr lors d'un duel en 1804. Aujourd'hui, Hamilton est toujours sur le billet de 10$ et maintenant, bien sûr, le sujet d'un musical sur Broadway, un musical à succès. Toujours dans la liste des personnes célèbres qui fêtent leur anniversaire au mois de janvier, Martin Luther King est né le 15 janvier 1929. Le 28 août 1963, Dr. Martin Luther King Jr. A fait évidemment son discours « I have a dream » sur les escaliers, les marches du Lincoln Memorial. Bon, on connaît le reste de l'histoire. Muhammad Ali est né le 17 janvier 1942. Né sous le nom de Cassius Clay à Louisville, en Kentucky. Évidemment, vedette de la boxe, médaillé d'or olympique, champion poids lourd, etc., qui a changé de religion pour prendre le nom de Muhammad Ali. Virginia Woolf est née le 25 janvier 1882. C'est une auteure britannique. Et finalement, Bessie Coleman, qui est née le 26 janvier 1892. Et puis, qui est une aviatrice. Oui. Voilà. Je me dépêche parce que c'est la fin de l'émission, c'est comme ça. Sauf si Palmarès, les liens sont sur assemblagerequis.com. On a plein d'autres choses à célébrer dans une prochaine chronique. Mais ce sera tout pour l'émission d'aujourd'hui, Tania. Ça a passé vite, cette dernière chronique-là. Hein? Vraiment? On se retrouve demain entre 6h30 et 9h30. Demain, on sera mardi, deuxième émission de la session. On aura le retour demain de Justine Renaud. Oh oui! Enfin! Boum! Oh oui, on sait pas encore de quoi elle va nous parler, mais ça s'en vient à 7h30 demain. Vous avez quitté le temps d'une session, maintenant, oui. Elle est de retour. Et voilà. Ensuite, à 8h30, David Ferron va être là pour la chronique. Est-ce que ça va être la chronique? Non, c'est de Carte Bleachée. Demain, j'ai reçu tantôt de quoi il allait nous parler. Oui, il allait nous parler de ses trois coups de cœur de la compilation Poulet Neige. Mm-hmm. La musique gratuite que vous avez reçue peut-être pour Noël si vous étiez sur la liste de gens qui se sont inscrits. Donc, c'est demain à 8h30. On va être en direct à partir de 7h30. L'émission a des petits meilleurs moments à partir de 6h30. Si tout va bien demain. Aujourd'hui, on n'avait pas d'Internet, on n'avait pas de réseau, on n'avait rien. Ça allait super mal. Donc, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de pré-hockey avant nous. C'est pour exact. Ça que l'émission n'a pas été enregistrée. Donc, on va devoir avoir seulement la dernière quinzaine de minutes sur le site internet, mais que voulez-vous, c'est des choses qui arrivent en ce retour des fêtes, hein? On peut pas tout contrôler, malheureusement. Absolument pas. Restez sur nos ondes plus tard aujourd'hui. Dans quelques instants, ce sera C'est Full Sex, l'émission d'éducation sexuelle qui est déjà de retour. Et à midi, en fait, je me demande bien si Rock Classic va être là parce qu'il y a sûrement pas eu d'archivage de l'émission d'aujourd'hui. Probablement pas. Allez voir cif.ca, on s'arrangera avec ça. On va essayer de faire une journée qui a de l'allure aujourd'hui. C'est fou.ca, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Et on se quitte avec une dernière pièce du palmarès. Je vais y aller avec francophone cette fois-ci, Tania. Est-ce que tu as une envie qui te vient comme ça rapidement? Bien, écoute, je regarde ça comme ça et je pense que chacun de nos pas des passagers, ça serait pas pire. Ah, c'est génial. On écoute ça à Assemblage Requis. Et puis, on se retrouve demain à 7h30. Oui. Est-ce que c'est même pas dans le palmarès en ce moment, ça l'est-tu? Ben, je sais pas, moi, je me fie à la feuille que tu m'as donnée. Pendant que Mathieu essaie de chercher. Donne-moi ça, En moins de chocolat? Oui, j'ai ça! Oui! Yeah. Oh, ouais. Ah ouais! Bon café! Bon café, tout le monde! C'est ta réplique, ça. C'est correct, je la laisse aujourd'hui. Bye! Bye.